De la chope sauvadeur, ta salope à toi, se fait à l'air. Je vais la rejoindre tout à l'heure, chouchou que je récupère un salaire. Un gros billet. Pour l'instant ça se passe, je suis resté sur un vrai humble épice. Je suis toujours. Du moment que je gratte ma pièce, c'est le 7-Bag, ça prend toute la place. Et toutes les couleurs, toutes les saveurs. Les saveurs. Faut mettre le bon prix pour que tu savoures. Tu savoures. Mon cerveau de mes couilles, je me suis servi. Je me suis jamais mélangé au suiveur. Un peu frais, c'est nous qui la ramenons. Mettons ces YouTube qui nous rémunère. Nous paye. Et coupe, recoupe, recoupe, y'en a assez pour toute elle la vie. Veut que je l'attrape par les vœux. Ce que je veux, c'est chez crade dans sa bouche. C'est le shit qui nous a rendu moche. Les faux payeurs qui nous rendent fous. Les descentes de keufs sur le four. Le menteur, j'en fais rentrer. Si t'es mon frère, je tire, je te donne mon dossier, t'es un traître. Un traître. T'as cru qu'on allait se raconter nos vies jusqu'à quand? Dans mes DM stage, j'arrive pas à choisir laquelle. Je regarde encore et j'aborde la plus bonne à Ken. Si elle veut ma queue, je vais la ramener dans le premier hôtel. Une fois arrivé, tu sais ce qui va se passer. Si moi j'ai perdu, c'est pas pour te regarder. Tu te déshabilles pendant que je roule un dernier joint. Ensuite je m'occupe de toi. C'est vrai l'argent rend beau. Plus de groupes, plus de pubs. Mes poches se remplissent. Rempli, ouais. Des groupes que t'as jamais vu. Pensez ne jamais voir ça dans ma vie, ouais. Et fais tout tu disais vrai, tout, tu disais. Ouais, mon frère tu disais vrai. Mon frère tu disais vrai. Toujours croire en ses rêves et travailler dur pour y arriver. Des fois je repense aux bugs, aux grecs de la gare, au manque de détails, détail, ouais. Et dans les jours de neige il faut faire belle que les barrettes se cassent, casse, ouais. Je suis toujours dans le fond du bug. Ton coup après le passage d'un autre clico. J'ai pas retourné ma veste, veste. Tu fais avec les mains demande aux autres. Mets deux plaies dans la piscine. Complètement rabat sous diaconé. Médaille pas dans caisse ben. Tu le seul à bédave dans l'hôtel. Je sais que je vais lui mettre. Avant de me coucher je retire la montre. J'allume un dernier pet avant d'envoyer éteindre la lumière. T'as cru qu'on allait se raconter nos vies jusqu'à quand? Dans mes DM stage, j'arrive pas à choisir laquelle. Je regarde encore et j'aborde la plus bonne à Ken. Si elle veut ma queue, je vais la ramener dans le premier hôtel. Une fois arrivé, tu sais ce qui va se passer. Si moi j'ai perdu, c'est pas pour te regarder. Tu te déshabilles pendant que je roule un dernier joint. D'abord masse-moi le dos et ensuite je m'occupe de toi. Une fois arrivé, tu sais ce qui va se passer. Si moi j'ai perdu, c'est pas pour te regarder. Tu te déshabilles pendant que je roule un dernier joint. D'abord masse-moi le dos et ensuite je m'occupe de toi. Et ensuite je m'occupe de toi. Et ensuite je m'occupe de toi.